Chapitre 6. Église, calvaire, cimetière. Ancienne ou moderne, grande ou petite, toute église bretonne a son clocher à jour qui la signale au loin. On approche et l'on croit trouver une ville ou un bourg. L'église n'abrite que quelques maisons. On est tenté de se demander pour qui cet édifice, lorsqu'une chapelle semblerait ailleurs ou suffisante ou superflue. D'où viennent les fidèles pour le remplir? D'une lieue, de deux lieues à la ronde. Les habitations dans les campagnes sont très disséminées. Au lieu de chercher la ville, le Breton la dédaigne et s'en éloigne. Au lieu de tendre à l'agglomération, il l'évite. Une ferme ou deux, entourées de tas de fumier et baignant dans le purin, forment un village et en prennent le nom. Elles se tapissent sous les arbres, elles s'enclosent par des fossés. On passe à côté sans les voir, ou on les rencontre avant de les avoir aperçus. Ce qui n'empêche que, les jours de foire ou de marché, ou simplement le dimanche, les routes, les chemins, les sentes ne se couvrent de monde. Les uns s'en vont par les chemins creux, encaissés dans des talus que revêtent le chêne, la lande, la fougère. D'autres montent les échaliers, enjambent les barrières, sautent de pierre en pierre à travers les flaques d'eau, et, après ces exercices gymnastiques indispensables pour quiconque pratique la voirie bretonne, voilà une petite foule amassée sur le parvis, sous les châtaigniers, sur les marches du calvaire. Si l'église est trop éloignée, ou si tous les membres de la famille ne peuvent s'y rendre, il y a bien dans le voisinage quelques maisons à pignons surmontées d'une croix et d'un clocheton, avec des moulures dessinant la porte et la date de l'érection. C'est une chapelle que dessert l'un des vicaires du bourg ou un prêtre des environs. L'intérieur n'est guère orné, le sol est en terre battue, un petit navire est suspendu à la voûte et les saints du lieu, dit indigetes, occupent la droite et la gauche de l'autel. Presque toutes les églises semblent avoir été bâties sur le même modèle, au moins quant au dessin général et aux parties principales. J'ai parlé du clocher. Il s'élève au-dessus du portail, en dépassant le toit. Il s'entoure d'une première balustrade, puis d'une seconde, plus petite, double corbeille d'où il s'élance dans les airs. Le clocher à jour est l'honneur de l'église et l'orgueil des habitants. À Quimper, c'est aux frais des fidèles, grâce à une souscription toute démocratique, que les deux flèches de la cathédrale ont été construites. Monseigneur Gravéran, évêque du diocèse, avait ouvert une souscription d'un sou par tête et par an pendant 5 ans. À Lambourg, près de Pont-l'Abbé, c'est au clocher que s'attaqua la colère de Louis XIV, qui voulait punir les paysans de s'être révoltés contre l'impôt du papier timbré. Il le fit démolir. On ne comprend guère cette vengeance, mais on peut l'expliquer par le rôle et l'importance que joue le clocher dans l'imagination et dans les mœurs bretonnes. Comme la tour du Beffroi dans les vieilles cités flamandes, la battre, c'est frapper les habitants dans leur indépendance et leurs privilèges. La porte principale de l'église n'est pas sous le clocher. Celle-ci est longue, étroite, épaisse, afin de soutenir ce grand poids. Mais sur le côté droit de l'édifice s'ouvre un large porche carré qui, par la saillie qu'il présente, par sa valeur artistique et par ses doubles portes, constitue la véritable entrée. À droite et à gauche, des colonnes engagées, cannelées en torsade, au-dessus desquelles s'élève un fronton ou une courbe ogivale ou un cintre surbaissé. Dans l'intérieur, de chaque côté, une rangée de niches à colonnes contiennent les statues des 12 apôtres quand la Révolution ne les a pas ôtées. Au centre, entre les deux portes, un faisceau de colonnettes. Au-dessous, le bénitier armorié. Au-dessus, une niche destinée à quelques statues du Christ, de la Sainte Vierge, de Saint-Pierre ou du Père Éternel. Ce porche s'appelle généralement le porche des apôtres. Il n'a pas de pendant sur le côté gauche de l'église. Celui de Saint-Ouardon, à Landerneau, a été transporté de l'ancienne église à la nouvelle, construite en 1860. Il datait de 1607. J'ai remarqué aussi celui de Saint-Gouenou, à 2 kilomètres de Brest, et celui de la Roche-Maurice, au-dessus de Landerneau. Le porche de Daoulas est plus ancien que tous les autres. C'était généralement pour cette partie de l'église extérieure que l'architecte réservait ses efforts et même ses fantaisies d'imagination. C'est comme un édicule greffé sur l'édifice. L'œil l'en distingue et l'on n'est pas choqué qu'il soit parfois d'un style différent. Avant d'entrer dans l'église, parcourons le cimetière qui en fait le tour. L'aspect n'a rien de triste. 4 lignes d'ormes suivent les murs, des peupliers, des ifs, des platanes partagent et groupent les tombes en carré. À Plougastel, chaque tombe est ornée de rosiers du Bengale qui toute l'année se couronnent de fleurs. On a creusé un trou dans la pierre pour recevoir l'eau bénite ou bien un petit vase, un tesson, un cul de bouteille en tiennent lieu. Au devant et sur les côtés de l'église, au plus près des murs, sont les tombes des curés ou des prêtres de la paroisse. À Saint-Gouenou, les fidèles ont fait élever à M. Cloarec, leur recteur, une statue qui le représente à genoux. Tout auprès, le dernier curé, mort à 46 ans, est représenté avec ses ornements sacerdotaux dans une sculpture à demi-relief. À l'entrée ou dans un coin de chaque cimetière s'élève un petit bâtiment pointu et bas. C'est l'ossuaire, le charnier ou le reliquaire, comme on voudra l'appeler, c'est-à-dire l'endroit où l'on recueille les os exhumés. On en voit à Daoulas, à Saint-Gouenou, à Quimper. Le plus élégant que j'ai rencontré est celui de la Roche-Maurice. Il date du XVIIe siècle. Dans 10 compartiments, formés chacun par 2 colonnes corinthiennes, l'artiste a retracé les personnages des danses macabres. Au milieu est la mort qui tient un dard. On lit au-dessous « Je vous tue tous ». Les calvaires sont aussi l'ornement ou l'accessoire ordinaire du cimetière breton. C'est une grande croix en granit élevée sur des degrés. Elle a généralement une face et un revers. Sur la face, au point d'intersection, un petit Christ en croix, sculpté avec la roideur et la grossièreté byzantine. À l'extrémité d'un des bras de la croix, la Sainte Vierge, à l'autre Saint Jean. Sur le revers, au point d'intersection, une Vierge portant le corps du Christ sur ses genoux, ce qu'on appelle une Pietà, à droite et à gauche des saints ou des apôtres. Malgré leur rudesse, ces sculptures font un heureux effet. Au devant d'une charmante chapelle dite de Saint-Jean, qui s'élève dans un massif de hêtres sur la rive gauche de l'Élorne, en face de Poulharvillines, à chaque bras du calvaire, des anges portent les instruments de la Passion. J'ai signalé en passant le calvaire de Confort, près de Pont-Croix, mais le plus curieux, le plus complet et le plus original de tous ceux qu'on peut voir en Bretagne est celui de Plougastel d'Aoulas. 3 croix, celle du Christ et celle des 2 larrons, se dressent au-dessus d'un arc de triomphe polygonal, soutenu par des arcades et des pilastres. La frise qui en fait le tour est ornée de bas-reliefs dont la série raconte la vie et la passion de notre Seigneur. J'en dois parler brièvement. La seule remarque que je me permettrai, c'est que toutes ces figures, qui ne manquent ni de caractère ni d'originalité, toutes ces scènes religieuses dont les costumes et les mœurs semblent empruntés à la Bretagne, ne témoignent en aucune façon de l'époque où elles ont été faites. La date est gravée. Nous lisons 1602. Comment, après les grandes œuvres du XVe et du XVIe siècle, ce sculpteur du XVIIe siècle ne se montre-t-il qu'un élève attardé du XIIe ou du XIIIe? Cette remarque, nous pourrions la renouveler à propos de plusieurs églises bretonnes. Elles ont un air et un style plus anciens que leur date. Leurs architectes et leurs artistes n'ont pas changé d'atmosphère et le souffle du temps ne les a pas touchés. De l'extérieur de l'église, passons au dedans. Il en est plusieurs qui sont partagés en 2 nefs d'égale largeur par 3 ou 4 arcades ogivales ou à plein cintre, s'élevant au-dessus du sol à 10 pieds environ. Cette ligne d'arcade s'arrête au cœur, qui a 2 autels, un pour chaque nef. Cette disposition doit, m'a-t-on dit, être attribuée aux Templiers, qui ont eu d'importantes maisons et qui ont construit beaucoup d'églises en Bretagne. on rencontre plus souvent le plan ordinaire des églises gothiques, c'est-à-dire une nef principale avec deux bas-côtés. Mais l'abside, au lieu d'être presque circulaire, se termine généralement par un mur droit auquel s'adossent trois autels correspondant aux trois nefs. Les voûtes sont en bois, rejointes par des traverses qui s'emboîtent dans des gueules de poisson. On rencontre parfois des frises en bois sculptées comme à Saint-Gouénou et à la Roche-Maurice, qui retracent, en une longue série de scènes, les travaux de la campagne, les mœurs, les costumes du pays, le labour ou la pêche, les enterrements et les mariages. Dans les bas-côtés, autour du chœur, sont creusés des enfeux, vides pour la plupart, mais qui portaient naguère ou une inscription funéraire sur la tablette ou la statue du défunt. Près des portes, de larges et hauts bénitiers en granit, armoriés et armés de bas-reliefs sur leurs flancs, témoignent d'une assez haute antiquité. Malgré les ravages de la fin du siècle dernier, les vitraux ne sont pas trop rares. J'en ai vu de beaux à l'église Saint-Nonat de Pinmar et ailleurs. Les trois larges baies ogivales et vitrées qui surmontent les trois autels de l'abside offraient au peintre verrier une place favorable sous le rapport du jour et de l'étendue au développement des sujets religieux. Autour des autels, dans l'encadrement des portes ou des fenêtres, s'enroulent des pampres sculptés en relief, non pas, comme l'écrit un archéologue fort estimable d'ailleurs, que les ouvriers d'alors aient voulu célébrer la vigne par reconnaissance pour le vin qu'on leur prodiguait. Il est assez fréquemment question de la vigne dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour qu'on puisse la considérer comme un arbre mystique dont la représentation appartenait naturellement à la sculpture religieuse. Dans les bourgs voisins de la mer, au lieu de pampres, on voit des poissons et souvent l'un et l'autre. Ces édifices qui, sans être uniformes, ont presque tous entre eux d'étroites analogies, témoignent d'une tradition indigène. Tout en se modifiant suivant les temps et les lieux, elle ne s'est pas perdue, et jusque dans les édifices les plus récents, on en retrouve les traces. J'ai vu plus d'une église datant seulement de 5 ou 6 ans. Elles sont dignes de leurs aînés par l'harmonie et le bon goût de leurs proportions. Citons les églises de Saint-Marc, près de Brest, celle du Conquet, dont le clocher a été transporté de Locrist, celle de Landerneau et de Tréguinque, dont j'ai déjà parlé. Combien l'église Sainte-Clotilde de Paris ressemble peu, au moins par l'extérieur, à ses sœurs de Bretagne. Celles-ci sont comme la fleur des champs, qui se reproduit sans cesse avec une fraîcheur toujours nouvelle. L'autre, née en serre, s'étiole et pâlit. Elles sont toutes précieuses à quelque titre, vieilles ou neuves, ces églises de village. Il est difficile d'en dire autant des églises des grandes villes. L'architecture civilisée a passé par là et fournit aux curieux tous les échantillons de laideur et de lourdeur qu'il peut désirer. Les églises de Brest, bâties sous Louis XIV et Louis XV, répondent assez bien à ce portrait, mais sans être le type du genre. Vannes prend le pas sur Brest dans l'église de Saint-Paterne, bâtisse du XVIIIe siècle. Masse de pierre et de briques sans ornement, parée d'un péristyle écrasé sous une tour, laquelle porte une lanterne aussi épaisse que l'église, et l'intérieur est digne du reste. « Quoi ? » me disais-je, « c'est là une œuvre du XVIIIe siècle, siècle d'élégance, de légèreté, d'art coquet ? Quoi ? C'est là l'église qui porte le nom du premier évêque de Vannes ? » Et à deux pas de ce grossier édifice s'élèvent les somptueux bâtiments, à peine terminés d'hier, de la préfecture du Morbihan, dont les devises et les dépenses ont eu un jour de célébrité devant le corps législatif. Mais dans ce catalogue de monstres, la cathédrale de Rennes mérite bien une mention. L'architecte, qui devait être un éclectique, a imaginé d'accoler à une basilique, dont l'intérieur rappelle Saint-Vincent de Paul et Saint-Roch, un portail orné de 2 tours avec 4 étages de lourdes colonnes, lesquelles voudraient figurer des tours gothiques rajeunies et régénérées par le style grec. Permettez-moi, dans une prochaine lettre, de vous ramener au village.